Chapitre 4e. Lorsque Enm et Clément atteignirent le plateau qui domine la forêt de Massonge, le soleil levant rosait déjà la cime des futaies de hêtres. Une buée blanche fumait encore au-dessus des prairies encaissées au flanc de la gorge, mais sur les friches, les alouettes prenaient l'essor et chantaient en s'élevant vers le ciel qui bleuissait. « Nous avons beau temps pour notre début, » remarqua Edm en scrutant les quatre coins de l'horizon. « Le vent vient de l'est et c'est bon signe. » Ils franchirent le ruisseau, gravirent la pente opposée, puis coupant en biais la corne du bois, laissèrent Chardogne sur la droite et s'acheminèrent par la traverse dans la direction de Loupy-le-Château. Le plus court, dit l'aîné, serait d'incliner à droite et de gagner la vallée de l'Aire par Ambercourt-au-Pau et Courcelles. Mais il est préférable d'éviter les grandes routes où nous pourrions rencontrer des gens de Juvigny et de nous maintenir aussi longtemps que possible en forêt. Il faut que Goupillard ignore notre fugue, afin qu'il ne s'avise pas de nous devancer et de nous créer des ennuis. « Excellente idée, » approuva Clément. « Autant j'abomine les grandes routes, autant j'aime les traverses. En poussant à gauche, nous aurons des bois jusqu'à Loupy, et peut-être serai-je assez chanceux pour y trouver deux plantes d'automne, la balsamine sauvage et la parnassie des marais, sur lesquelles je n'ai pas encore pu mettre la main. » Par cette fraîche matinée de septembre, les bois exhalaient de fines odeurs de champignons et de fougères mûrissantes. Les taillis succédaient aux futaies et les futaies aux taillis. Parmi les ramures dorées, des rayons de soleil filtraient et des gouttes lumineuses pleuvaient sur la mousse. Ça et là, des ruisseaux couraient d'un air pressé et les rouges gorges, tentées par le voisinage de l'eau, tirelaient dans les branches. « Quel joli sentier !» s'écriait Clément. « Et quelle joie d'y marcher à l'aventure avec la découverte d'un trésor en perspective !»« Allons, aide-moi, mon grand !» Décide-toi, songe qu'il fait beau, que nous avons de bonnes jambes, et que dans 2 jours au plus, nous serons au Chanois, où l'or et les pierreries de Chèvrechêne nous attendent. « Ne t'emballe pas, cadet, » répliquait Edme plus calme. « Du train où nous allons, nous couchons demain au Chanois, voilà qui est sûr. Mais le trésor l'est beaucoup moins. D'abord, réussirons-nous à dénicher la cachette. Puis en supposant que nous la dénichions, comment nous procurons-nous les outils nécessaires ? Et comment procéderons-nous aux fouilles sans attirer l'attention des habitants? Toi, avec ton imagination flambante, tu vois déjà bataille gagnée, mais moi je songe aux difficultés de l'exécution. Plus j'y réfléchis, plus l'entreprise me semble hasardeuse. Bon, ripostait Clément, sans se laisser démonter. La fortune sourit aux audacieux. Comme disait la pauvre tante Charmette, il faut d'abord aller jusqu'au bout de sa volonté. Le ciel se charge du reste. 10 heures sonnaient à l'église de Loupuy quand ils débouchèrent du bois des Aunelles en face du village et non loin de l'ancien prieuré de Dieu s'en souvienne. Jusqu'à l'orée du taillis, un ruisseau coulait sur un lit de cresson et un grand chêne pied-cormier étendait sa retombée sur un épais gazon en pente. « Christi !» s'exclama Clément. « Il fait faim. Si on déjeunait ?»« Volontiers, » répondit Edme. « Nous aurons de l'eau à discrétion et la pelouse nous servira de nappe. » Ils s'assirent donc sous le chêne et déballèrent les provisions. L'étape du matin leur avait creusé l'estomac, et comme le héros d'Homère, chacun d'eux satisfit libéralement son appétit. Le déjeuner terminé, Clément avait bonne envie de se débarrasser des viandes froides et du pain restant au profit des bêtes forestières et des oiseaux du ciel, mais Edme l'arrêta d'un geste énergique. « Pas de gaspillage !» déclara-t-il. « Remballe soigneusement ces rémanences. Nous serons peut-être bien contents de les retrouver ce soir. » Le cadet obéit en rechignant. Ayant redossé leur sac, ils gagnèrent bravement la route de l'île en barrois. Là, on était en rase campagne, et du haut du ciel, d'un bleu de turquoise, le soleil dardait d'aplomb sur le chemin sans ombre où, à droite et à gauche, s'étendaient des étoiles toutes bruissantes de sauterelles et de grillons. Clément traînait les pieds, s'essuyait le front et, de temps à autre, se retournait pour contempler d'un œil de regret la forêt qui moutonnait au loin. « Sale chemin » grognait-il, en donnant un coup d'épaule à son sac. « Comment, tu renacles déjà ?» reprenait Edme, plus résistant. « Où est ta belle ardeur de ce matin ?»« Hardi, nous rattraperons les bois aux environs de Rambercourt. » Comme ils grimpaient lentement un bout de côte, ils entendirent derrière eux un tintement de sonnaille et distinguèrent une voiture bâchée de toile blanche qui roulait dans la même direction qu'eux. Le cheval, ayant ralenti son trot pour gravir la rampe, le conducteur avait mis pied à terre. Arrivé auprès des jeunes gens, il s'arrêta un moment, la mine musarde, le nez en l'air, devant les deux piétons qui cheminaient, sac au dos et guêtres jusqu'aux genoux. Il les prit pour des compagnons ouvriers et les interpella familièrement. « Eh, les camarades, ça chauffe dur, hein ? et vous semblez un peu rodé, un peu fatigué. Dame, si le cœur vous en dit, quand nous serons au la côte, je vous offrirai bien de monter avec moi dans ma bagnole. Nous ferions un brin de chemin ensemble. » Clément avait déjà la langue levée pour accepter, mais Edme, toujours circonspect, lui coupa la parole. « Merci, mon brave. Ça dépend de l'endroit où vous vous rendez, et qui n'est peut-être pas celui où nous allons. » « Sans vous commander, demanda jovialement le conducteur, de quel côté allez-vous ? » « Du côté de la vallée de l'Air, pour remonter de là dans les bois de l'Argonne. »« Oui, là, reprit le questionneur, ce n'est pas ma route. »« Voyez-vous, moi je suis cocassier de mon état. Je viens de porter un chargement d'œufs et de beurre à la gare de Juvigny, et je m'en retourne à Brisot, près Triancourt. »« Ma fille, si vous allez en Argonne, permettez-moi de vous remontrer qu'en suivant la vallée de l'Air, vous ne prenez pas le plus court. »« Ah, mais non !» « Foi de Dondon Feuillant, ça vous allongera de deux bonnes lieues, tandis qu'en passant par Brisot, vous n'auriez plus qu'à monter tout droit la gorge au pommier et vous seriez à Beaulieu en un rien de temps. » Pendant ce discours, Edme, au grand étonnement du cocassier, dépliait sa carte pour contrôler les indications données et s'assurer qu'elles étaient exactes. « Après tout, reprit le paysan, que l'aspect de la carte consultée par Edme semblait inquiéter, ce que je vous en dis, moi, c'est dans votre intérêt. Puisque vous lisez sur les plans, vous devez savoir mieux que moi le chemin à votre convenance. Seulement, décidez-vous, car nous voici à la croisée des routes. » « Vous avez raison, repartit Edme, nous arriverons plus vite par Brisot. Puisque vous voulez bien nous offrir des places dans votre voiture, nous acceptons de grand cœur, mon frère et moi, au risque de vous gêner. » « Oh, vous ne me gênerez point, » riposta Dondon, avec un rire silencieux, qui découvrait une bouche passablement édentée. « Je vous préviens toutefois que ma bagnole est quasiment suspendue sur les cieux et que vous y serez secoué une miette. » « Oh là, oh ! Montez, messieurs, et accommodez-vous de votre mieux sur les bottes de paille qui sont au long de mie. » Il s'était réinstallé sur son siège, tandis que les deux frères s'asseyaient à sa droite et à sa gauche sur la paille. « Ça y est, poursuivit-il, en ce cas, démarrons. Hue donc, feignante !» Et la grise, soudain réveillée par un claquement de fouet, détala lestement sur la route poudreuse. Tout en bourrant et en allumant sa pipe, Dondon Feuillant examinait furtivement ses compagnons. Coiffé d'un bonnet de coton que surmontait un feutre cabossé, vêtu d'une blouse bleue que la brise faisait ballonner par derrière, Dondon était un petit homme d'une cinquantaine d'années, encore vert, à la face gobeuse, éclairé par deux yeux gris très éveillés. Sa bouche s'entr'ouvrait avec une expression badaude. Il riait volontiers, et alors une multitude de petites rides rayaient ses joues rasées et plissaient ses paupières. En même temps, les deux ou trois dents qui lui restaient se penchaient en dehors et ajoutaient un accent goguenard à sa physionomie falote. « Est-ce que vous venez de Juvigny ? » interrogea-t-il entre deux bouffées. « Oui, avoua étourdiment le cadet, c'est là que nous demeurons. Mazette, vous avez dû en partir des patrons Mirel. Et comme ça, vous allez tirer des plans en forêt. Vous êtes peut-être employé du gouvernement ?»« Non, répondit l'aîné, nous profitons de nos vacances pour aller dessiner dans l'Argonne. Nous voyageons pour notre plaisir. »« Ouah ! » se récria le cocassier en clignant de l'œil et en montrant les deux sacs. « Pour votre plaisir, avec cet attirail sur le dos. Vous savez, faudrait tout de même ne pas vous fiche de moi. Vous ne vous êtes pas levé assez tôt pour ça. Farceur, quand on voyage pour son agrément, on se paye une voiture, on ne se trimballe pas à pied, chargé comme des porte-balles. On peut aimer avoir du pays et n'être pas assez riche pour se payer une voiture, » répliqua Edme en riant. « C'est précisément notre cas. Comme nous désirons visiter l'Argonne à notre fantaisie, nous avons trouvé plus commode et moins coûteux d'emporter notre baluchon avec nous. « Alors vous vous promenez en amateur, » murmura Dondon Feuillant, peu convaincu. « Ne soyez donc pas cachotier. Gageons que vous allez à l'ermitage de Saint-Rouen avec votre pacotille. « Qu'est-ce que Saint-Rouen ? » questionna Clément. « Comment ? » s'exclama le bonhomme, devenu méfiant. « Vous êtes du pays et vous ne connaissez pas Saint-Rouen ? » C'est une chapelle consacrée à un saint qui faisait au temps passé des miracles en Argonne. Son ermitage existe encore dans la vallée de Bièmes, proche de Beaulieu. On y vient en pèlerinage de tous les cantons voisins, et c'est demain dimanche qu'on célèbre sa fête. Puisque vous êtes des amateurs de curiosité, allez demain à Saint-Rouen, ça en vaut la peine. » Là-dessus, le cocassier, qui aimait à jaser, s'étendit à plaisir sur le patron de l'Argonne, sur la source voisine de la chapelle qui guérit les sourds, les impotents et les aveugles, sur les pieuses cérémonies du pèlerinage. « Comme le temps est beau, conclut-il, le saint ne manquera pas de fidèles demain. Il y aura du monde et du beau monde à la grand-messe, chantée en plein air, et où l'évêque de Verdun officiera. « Il faudra que nous nous arrangions pour assister à la cérémonie, » s'écria Clément. dont l'imagination s'allumait. Pendant qu'il devisait ainsi, la jument trottait à vive allure. On avait dépassé Bobécourt, traversé Triaucourt, et l'on apercevait au loin, dans les arbres, le modeste clocher de Brizot. La grise, qui sentait le voisinage de son écurie, filait comme le vent, et bientôt on déboucha sur la place du village. « Nous bla à Lousteau !» dit Dondon Feuillant, désignant du bout de son fouet une maison basse, à lui de laquelle se balançait un bouchon de genévrier. Edme, qui rebouclait son sac, jeta un coup d'œil sur la place et eut soudain un tressaillement de surprise, mais de surprise désagréable. Devant l'auberge, il venait de reconnaître Saturnin Goupillard en train de pérorer au milieu d'un groupe de paysans. Il se pencha vers son frère et chuchota. « Goupillard est ici. Tâchons de décomper avant qu'il nous ait vus. » Dondon Feuillant avait mis pied à terre et aidé ses voyageurs à descendre. « Diantre de poussière, on a le gosier sec » insinua-t-il, « si ces messieurs veulent se rafraîchir. »« Non, merci !» déclara Edme en glissant une pièce d'argent dans la main du cocassier. « Merci de votre obligeance. Nous sommes pressés de gagner Beaulieu. Quel est le chemin le plus court pour entrer en forêt ?» Dondon Feuillant leur indiqua une venelle qui s'ouvrait en face du cabaret, et ils déguerpirent avec une précipitation qui laissa le bonhomme tout ébobi. Avant qu'il eût pris la bride de son cheval, les deux jeunes gens avaient déjà disparu. Mais si rapidement qu'ils eussent détalé, ils n'échappèrent pas au regard de fouine du marchand de biens. « Tiens, tiens, ce pourpensa-t-il. » Puis une idée diabolique poussa dans son cerveau fécond en perfide manigance. Il héla le cocassier qui tournait sa jument vers l'écurie. « Bonjour, mon père Faillant. » commença-t-il de son ton doucereux. « Ça va-t-il comme vous voulez ? Qu'avez-vous donc fait des voyageurs que vous rameniez ?»« Parti, monsieur Goupillard. »« Parti pour Beaulieu. Ce sont des jeunes gens de Juvigny que j'avais pris en route. »« De Juvigny ?» riposta l'ancien huissier haussant les épaules. « Ils sont de Juvigny comme je suis de Rome. »« Ils me l'ont dit, pas moins, » affirma le bonhomme en glissant dans la poche de son gilet l'argent qu'il avait reçu. « Ils vont se promener en forêt et se rendront demain à Saint-Rouen. »« Ah ah, elle est bien bonne !» ricana Goupillard. « Ils se sont moqués de vous, mon camarade. Voulez-vous savoir quelle espèce d'oiseau vous avez voituré dans votre bagnole ?»« Des espions prussiens, mon brave. Tous mes compliments. » En 1874, les fâcheux souvenirs de l'invasion allemande étaient encore tout frais dans la mémoire des gens de l'Argonne. Aussi, les visages des paysans, témoins de cette scène, exprimèrent-ils une émotion facile à comprendre. Dondon Feuillant restait bouche bée et ses trois uniques dents semblaient prêtes à choir sur son menton. « Tembla une sévère, » murmura-t-il d'une voix sourde. « Vous en êtes sûr, maître Goupillard ?»« D'autant plus sûr que l'autre semaine je les ai surpris à Verdun, en train de rôder autour des forts, et que j'ai failli les faire arrêter. » C'est donc ça qu'ils portaient sur eux des cartes du pays et qu'ils avaient des allures bigrement louches. Allez, malabre. Ils ne doivent pas être bien loin. Si nous courions après eux pour leur mettre la main au collet. Trop tard maintenant, objecta le marchand de biens, qui ne se souciait pas d'être mêlé à Nesclandre. Seulement, ouvrez l'œil, mes amis. Puisqu'ils comptent se rendre demain à Saint-Rouen, tâchez de les y joindre et de les faire pincer par les gens du pèlerinage. Un bon averti en vaut deux. Là-dessus, mon petit Feuillant, si c'est un effet de votre complaisance, commandez qu'on attelle mon cabriolet, car l'après-midi s'avance et je tiens à rentrer à Juvigny avant la nuit.